Je vous souhaite un très bel après-midi. Il se poursuit tout de suite avec Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Issam Sartaoui est né à Saint-Jean d'Acre en 1934. Cette semaine, l'art de l'échange. Médecin. En 1967, la guerre des six jours qui consacre l'hégémonie régionale d'Israël au Proche-Orient va bouleverser et modifier le cours de sa vie. Chef de guerre. Quatre armées arabes ont été battues en 67. Est-ce que ça ne vous fait pas peur ? Cela ne nous fait pas peur, car en 67, le peuple n'a pas pu jouer son rôle. Maintenant, c'est le peuple qui joue son rôle au travers de nous, Fedayin. Homme de paix. C'était ça qui était terrible. Chaque fois qu'il allait faire des démarches auprès d'autorités, eh bien, quelque part, il y avait la diplomatie officielle palestinienne qui rétropédalait en disant non, non, pas du tout, c'est pas lui. Début avril 1983, à Albufeira, au Portugal. Monsieur Sartaoui était dans le hall de l'hôtel en compagnie de l'ambassadeur de Tanzanie en France et d'un délégué de Chypre lorsque un ou deux hommes sont entrés. Monsieur Sartaoui a été abattu presque à bout portant. Issam Sartaoui. Il y a bien eu un et sans doute aussi plusieurs avant Oslo. Traduction bien avant les négociations secrètes qui ont mené aux accords d'Oslo en septembre 1993 et qui seront l'objet du prochain documentaire d'Histoire vivante, accord concernant la question israélo-palestinienne, des hommes, mal connus du grand public, ont entamé, poursuivi, en secret, souvent au péril de leur vie, un dialogue avec l'adversaire. Cette semaine, nous revenons sur le cas d'Issam Sartaoui, médecin cardiologue établi aux États-Unis, qui finit par s'engager dans la cause palestinienne comme combattant d'abord, puis comme homme de dialogue ensuite. Pour nous accompagner cette semaine, le réalisateur Didier Martini, qui voici quelques années, a entrepris un projet de film de fiction sur Sartaoui, sur la base d'un travail mené par le journaliste Pierre Bell, avec nous également cette semaine. Pierre Bell, qui a connu Issam Sartaoui, l'a interviewé, a pu consulter ses archives. Pierre Bell qui tenait également à évoquer la figure d'un autre homme de l'ombre, un combattant de la paix. Oui, je voulais dire un mot sur un personnage qui est aussi historique, mais qui était l'opposé de Issam Sartaoui, c'est Maxime Guilan. Alors l'opposé, toute proportion gardée, parce que il a quand même combattu dans la Haganah, donc c'était un combattant. Ensuite, il a fait la prison en Israël parce que c'était un agitateur. Il a découvert les Arabes en prison. Il a découvert leur cause. Il s'est mis à militer. Tout en étant écrivain et intellectuel en Israël, parce que ça a été un poète, un écrivain connu, il a dû partir en exil parce que il devenait un opposant trop virulent. Il s'est installé en France et en France, il a monté son bureau de presse, et tout seul avec un réseau qui allait des États-Unis à l'Autriche, parce qu'il connaissait aussi Kreisky, il connaissait tous les gens qui étaient motivés par ça, il connaissait évidemment Naum Goldman, il a beaucoup milité pour mettre en relation les uns et les autres. Alors il a eu un rôle un peu trop discret, je pense, mais il vivait lui dans une vraie clandestinité parce qu'il n'était mandaté par personne et qui se savait menacé par les mêmes adversaires que Sartaoui, c'est-à-dire les services israéliens d'un côté et puis les extrémistes arabes de l'autre, parce que justement lui fréquentait l'OLP, un intellectuel israélien qui fréquente l'OLP un peu partout, c'était mal vu. Il a quand même été reconnu par Yasser Arafat, qu'il a reçu à Paris. Quand Yasser Arafat est venu à Paris, il a reçu Maxime Guilan au Lutetia, je crois, et c'est une forme de reconnaissance, mais c'était pas un homme de médias, je veux dire, lui il se battait pour faire passer des idées mais pas pour se mettre en avant. Il y a aucune photo de Maxime qui circule. Il a fait un travail fantastique et à la fin de sa vie, il était interdit de séjour en Israël, il a obtenu du gouvernement israélien le droit de revenir. Il est allé passer ses deux ou trois dernières années en Israël où il est mort, mais il reste méconnu et je trouve que lui aussi ça a été un grand faiseur de dialogue. C'était un homme absolument étonnant par tous les contacts qu'il avait. Il m'a ouvert lui aussi ses archives et qui sont passionnantes. Et c'est, il fait partie de cette armée de pionniers qui sont restés discrets. Donc il y a eu des avant-gardes qui étaient visibles et d'autres qui ont été plus discrets, mais qui ont autant de mérite. Retour en compagnie de Didier Martini sur la suite de notre évocation. Pour rappel, nous avons demandé à Didier Martini de venir au micro d'Histoire Vivante nous lire son projet concernant Hissam Sartaoui. On reprend cette histoire peu après l'assassinat de celui qui est l'équivalent à Londres d'Hissam Sartaoui, le représentant de l'Organisation de Libération de la Palestine, l'OLP, Saïd Hamami, en janvier 1978. Quelques mois plus tard, Sartaoui refait surface à Paris avec une idée en tête, ne pas perdre le capital de confiance et d'amitié qui s'est instauré avec ses interlocuteurs israéliens. Balayant les risques qui font peser sur lui les extrémistes des deux camps, Sartaoui veut reprendre les discussions. Il contacte Curiel. Le 4 mai, il se rencontre dans le café habituel, à l'angle du boulevard Saint-Michel et du boulevard Saint-Germain. Ils ont passé 2 heures ensemble et ils ont discuté de l'organisation, de la reprise des discussions entre les différentes délégations. Donc là aussi, Curiel était... il faisait pas d'idéologie gratuite, il faisait des choses, c'était un pragmatique, donc il parlait organisation. Et il y avait une série d'entretiens qui devaient être préparés, donc ils ont dû travailler là-dessus. Et je suppose que c'était une réunion ordinaire, parce qu'elle devait suivre d'autres. Curiel le quitte et remonte le boulevard Saint-Michel, le sourire aux lèvres. Le tempérament fonceur de Sartaoui lui plaît. Il prévient ses amis qu'une nouvelle série d'entretiens va avoir lieu. Son repas est léger, car il doit se rendre à sa séance de yoga. C'est dans un immeuble tranquille du 5e arrondissement, au 4 de la rue Rollin, que l'attentat qui a coûté la vie à Henri Curiel a eu lieu. La victime y occupait avec sa femme un petit appartement au 7e étage sur cour. Henri Curiel descendait de chez lui lorsqu'il a rencontré ses meurtriers au rez-de-chaussée. Ceux-ci, deux hommes, ne l'ont pas laissé sortir de la cage de l'ascenseur et l'ont abattu de 3 balles de pistolet de gros calibre, du 11-43 semble-t-il. Ce que j'ai pu entendre, c'est comme la plupart des locataires de l'immeuble, 3 coups de feu, très sourds, très violents. Il était aux environs de 14 heures. Touché à mort à la base du cou, à la poitrine et à l'abdomen, Henri Curiel respirait encore lorsque les policiers et l'ambulance du SAMU sont arrivés. Mais il devait rapidement succomber à ses blessures. Henri Curiel menait une vie discrète et effacée. Ses voisins parlent de lui comme d'un homme courtois et aimable, dont aucun des propos ne pouvait laisser penser qu'il était un homme à qui on prête une activité révolutionnaire. Commencé par le commissaire d'Unis du 5e arrondissement, l'enquête est maintenant dans les mains de la brigade criminelle. Mais on peut parier que la DST y est très attentive. L'attentat est revendiqué par de mystérieux commandos Delta. Toutes sortes d'hypothèses sont avancées. Extrême droite française, service secret sud-africain, israélien, mais rien de vraiment probant. L'enquête tourne court. Le 1er août 1978. Ezzedine Kalak, 42 ans, musicien, avocat, porte-parole de l'OLP en France depuis 1975. Assassiné le 3 août 1978, 138 boulevard Haussmann à Paris, avec l'un de ses collaborateurs, par ces deux hommes. Assad Kayed, 23 ans, et Youssi Yatem, 27 ans. La veille, ces deux garçons, qui ne se connaissaient pas, ont été convoqués par un troisième homme, jamais identifié, dans un restaurant de Montparnasse. Consigne, abattre Kalak, épargner les Français éventuellement présents, se rendre à la police sans résistance. En réalité, ce meurtre en plein Paris était l'aboutissement d'une série de règlements de compte sanglants depuis 2 ans entre Yasser Arafat, le leader de la tendance modérée et majoritaire de l'OLP, et les tendances gauchistes de l'OLP. C'est donc un dossier de politique interne à l'Organisation de Libération de la Palestine et deux militants d'opposition que vont avoir à juger durant une semaine les jurés de la Cour d'assises de Paris. Été 1979. Arafat rencontre un important succès diplomatique. Il est reçu officiellement à Vienne et à Madrid. Il est question de la reconnaissance de l'OLP par les leaders de l'Internationale socialiste. Pour Sartaoui, qui a préparé ses visites, c'est une grande victoire, car il démontre à ses détracteurs qu'il n'est pas aussi solitaire qu'il le prétende. Les critiques et les attaques fusent de toutes parts. L'establishment israélien d'un côté et les Palestiniens affilié au front du refus de l'autre, qui rejette violemment cette initiative. Le 18 octobre 1979, Sartaoui retourne à Vienne. Le chancelier Kreisky lui a fait attribuer le prix Bruno Kreisky, en même temps que le député israélien Lova Eliab. Sartaoui est fustigé dans les journaux arabes pour s'être affiché avec un leader sioniste. Certains réclament son exécution. Sartaoui envisage de donner sa démission. Celle-ci est immédiatement refusée par Arafat. septembre 1980, il rencontre à Vienne les militants de la paix maintenant. Sartaoui croit que la bataille pour gagner l'opinion publique israélienne n'est pas seulement une tâche parmi d'autres, mais le principal terrain de combat dans la lutte palestinienne pour la libération. Mi-décembre, il sort de l'ombre et publie un article dans Falastine Al-Tawara, l'organe officiel de l'OLP. Il explique les différents courants de la vie publique israélienne, dont le camp de la paix maintenant. Seul à reconnaître le droit des Palestiniens à l'autodétermination et à accepter l'existence d'un État palestinien. À l'occasion du 5e anniversaire de la création du Conseil israélien pour la paix israélo-palestinienne, Sartaoui envoie un message de félicitations au général Matti Peled. Votre vaillant combat pour une juste paix au Proche-Orient et votre énorme courage à reconnaître et à défendre qu'une telle paix ne peut être réalisée que par la mise en œuvre des droits nationaux palestiniens sous la direction de l'OLP ont mérité le respect des forces et prises de paix dans le monde entier. Je me rends compte que le prix que vous avez payé pour votre courageuse prise de position a été élevé. Mais c'est ainsi pour tous les pionniers et pour les visionnaires dont les sacrifices ont été vitaux pour le progrès harmonieux de l'histoire. Plutôt que nos ennemis ne le pensent, la paix devra régner entre les États de Palestine et Israël. Peled est enthousiaste et très ému. C'est la première fois qu'il reçoit un message officiel de Sartaoui qui, de surcroît, mentionne nommément l'État d'Israël. En avril 1981, le Conseil national palestinien doit se réunir à Damas, en Syrie. Sartaoui veut faire venir une délégation israélienne du camp de la paix. Il espère ainsi marquer les esprits et créer l'événement. Il va subir une cuisante défaite. Encore une fois, de tous côtés, les oppositions se dressent et sa proposition est durement rejetée. Arafat, qui veut maintenir sa ligne majoritaire au sein du Fatah, dont de nombreux membres sont hostiles au dialogue avec les Israéliens sionistes, lui refuse ce droit. Sartaoui veut alors présenter publiquement sa démission et s'en expliquer devant tout le Conseil national palestinien. Arafat court-circuite son conseiller. Il déclare à la presse que le Conseil national palestinien a refusé la démission de Sartaoui. Quand il apprend la manœuvre du président de l'OLP, Sartaoui redouble de colère et arpente le hall du Méridien en déclarant aux journalistes qu'il maintient sa démission. Alors là, j'ai un souvenir personnel. J'avais assisté en tant que journaliste de l'AFP à une session du Conseil national palestinien qui se tenait à Damas et quelqu'un m'avait dit que Hissam Sartaoui avait démissionné. Donc j'avais fait une dépêche pour dire Hissam Sartaoui a démissionné du Conseil national palestinien parce qu'il est en désaccord avec la ligne des dirigeants. Et il était sorti pour nous engueuler, nous, le petit groupe des journalistes d'agence, en disant « Vous êtes fous, vous vous rendez pas compte, j'ai effectivement menacé de présenter ma démission, mais si on dit que ma démission est acceptée, je n'ai plus l'immunité parlementaire et je n'ai plus la sécurité de l'OLP. Je suis en Syrie, vous vous rendez pas compte. » Et donc il était fou. Et il était donc... C'est vrai qu'il a plusieurs fois menacé de démissionner, mais démissionner formellement, c'était quelque chose qu'il aurait privé de sa possibilité de s'exprimer devant le CNP. L'OLP publie un communiqué par lequel il interdit officiellement les contacts avec les Israéliens. La porte entrouverte par Sartaoui se referme. 1981. Pour la première fois peut-être depuis la création de l'État d'Israël, la démocratie n'aura pas pleinement joué dans une élection. Parce que pour la première fois, la violence est apparue dans la campagne électorale. PC électoraux attaqués, voitures incendiées, sévères bagarres dans les meetings, les Israéliens sont un peu écœurés par le déroulement de cette campagne. Principale victime de la violence et de l'intimidation, Shimon Peres est le candidat de son parti. Pas un meeting en plein air qui n'ait été interrompu par les hommes du Likoud, le parti de M. Begin. Par peur des incidents et des bagarres, les gens ne viennent pas nombreux au meeting de Shimon Peres et dans l'assistance, il y a presque autant de policiers et de soldats que de sympathisants. Dans ses discours, Shimon Peres parle beaucoup d'économie. Il accuse Begin d'avoir artificiellement freiné l'inflation en subventionnant les articles de première nécessité. Comment expliquez-vous, dit-il, alors que l'inflation est de 140% par an, l'augmentation de l'indice des prix du mois dernier n'est que de 3,5%. Shimon Peres n'ira pas plus loin. Les sympathisants de M. Begin vont intervenir, la police va s'en mêler et Shimon Peres sera mis à l'abri dans sa sa voiture et des dizaines de policiers vont l'escorter jusqu'à la sortie de la ville. Janvier 1982. Sartaoui accorde une interview au quotidien Le Monde, dans laquelle il reproche à l'OLP d'avoir encouragé la victoire de Begin en ruinant la crédibilité du mouvement pacifiste israélien. Il lance aussi un nouvel appel public à un dialogue officiel avec non seulement le camp de la paix israélien, mais tout dirigeant israélien prêt à engager des discussions avec l'OLP. À la suite de cette interview, la SAIKA, organe syrien, au sein de l'OLP, publie une déclaration réclamant l'exécution de Sartaoui. Pour la première fois, sur un plateau de télévision en direct, un Palestinien à ma gauche, M. Issam Sartaoui, conseiller de M. Yasser Arafat, un Israélien à ma droite, le général Peled. Le général Peled est président du Conseil israélien pour la paix Israël-Palestine. Alors, M. Sartaoui, général Peled, le fait que vous ayez surmonté vos divergences, que vous vous présentiez ce soir ici sur un plateau de télévision et que vous teniez également une conférence de presse conjointe, n'est-ce pas le signe que finalement la situation est grave et qu'il faut trouver maintenant une solution à ce problème palestinien ? Général Peled. Nous nous sommes rencontrés, nous avons discuté depuis longtemps déjà de nos problèmes réciproques. Nous sommes d'avis que si l'on en venait à adopter notre attitude, si les autorités des deux côtés venaient à se rallier à notre attitude, cette guerre tragique n'aurait jamais eu lieu si elle s'était retrouvée sur nos positions. Monsieur Sartaoui. Nous avons poursuivi ces contacts constructifs depuis un certain nombre d'années et je voudrais souligner que du côté palestinien, ces contacts se sont placés à un niveau officiel. Du côté israélien, les représentants n'avaient pas de titre officiel. S'il y avait eu un pied d'égalité à l'égard de la représentation israélienne, nous aurions eu la paix depuis longtemps. L'esprit de paix représenté par le général Peled se serait suffisamment développé pour que cet esprit domine en Israël et nous aurions pu conclure la paix directement. Du côté officiel du gouvernement, il n'y a aucun espoir de la part de Menahem Begin, Ariel Sharon et du Likoud. Toutefois, il y a un esprit positif en faveur de la paix qui est exprimé par des hommes de bonne volonté comme Yossi Sarid, Viktor Shantov, la gauche du Parti travailliste et aussi une majorité croissante de l'opinion publique israélienne chez les universitaires, dans le domaine des arts, etc. Le gouvernement israélien pense que c'est cette fameuse charte de l'OLP qui préconise la disparition de l'État d'Israël, qui bloque un peu la reconnaissance des Palestiniens même par Israël. Ça, c'est un grand malentendu. Nous avons répété à maintes reprises et très nettement que la charte palestinienne ne demande pas la destruction d'Israël. Et nous avons également dit que la charte a été modifiée par des résolutions du Conseil national palestinien successives. Donc cette accusation est dénuée de tout fondement. Général Peled, votre sentiment ? Comme je l'ai déjà dit, à l'occasion des nombreuses réunions et discussions que nous avons eues ensemble, nous avons compris que l'OLP était effectivement disposé à parvenir à une solution politique du conflit, et ce, partant de la reconnaissance mutuelle des deux parties et du droit d'autodétermination. Général Peled, le Premier ministre israélien Menachem Begin a accordé un mois aux Palestiniens pour qu'ils se retirent de Beyrouth. Alors si les Palestiniens refusent, vous pensez que les troupes israéliennes vont entrer dans Beyrouth ? J'ai l'impression que mon gouvernement a l'intention de liquider la direction actuelle palestinienne. Et d'après moi, ce serait une catastrophe qu'on arrive là. Le 6 juin 1982, l'armée israélienne sous le commandement d'Ariel Sharon lance son opération Paix en Galilée. À Beyrouth, le leadership palestinien est assiégé et le Liban envahi. Midi heure française, l'armée israélienne est partie de la région de Metula, c'est-à-dire l'endroit le plus haut du territoire israélien, vers le Liban. Une première colonne de chars s'est dirigée vers la ville de Tyr. Tyr aurait été soutenu par les canons du major Haddad qui ont pilonné la région. Un débarquement a eu lieu au sud de Tyr, un débarquement de blindés, et toute cette région littorale du Liban est constamment pilonné, même au moment où je vous parle, par l'aviation israélienne. Un deuxième corps d'armée composé de chars fonce sur Nabatieh et un troisième est parti au nord de Marjayoun. Il faut dire qu'à chaque fois que l'armée israélienne décide de monter en territoire libanais, une fois passée l'enclave chrétienne, elle se heurte automatiquement aux forces de la FINUL. Et on a appris que des soldats de la FINUL auraient été contraints de tirer sur des soldats israéliens. Les chars sont donc entrés en territoire libanais à midi, tandis que se poursuivaient les raids aériens, notamment dans le sud du littoral libanais, entre Tyr et Saïda. Tous les sanctuaires palestiniens de Beyrouth à la frontière sud ont été pilonnés, souvent à plusieurs reprises. Il semble bien que les Israéliens aient décidé de neutraliser toutes les bases palestiniennes de la région. Pour le moment, nous en sommes encore à un raid de représailles. Si la Syrie participe directement au combat, comme cela semble être le cas, il faudra alors parler d'une véritable guerre. Le 2 juillet 1982, alors que la guerre redouble de violence, Pierre Mendès France lance un appel avec deux autres personnalités, Naoum Goldman et Philippe Klutznik, le nouveau président du Congrès juif mondial. La paix ne se conclut pas entre amis, mais entre ennemis qui ont lutté et ont souffert. Notre sens de l'histoire juive et les impératifs de l'heure nous conduisent à affirmer que le temps est venu pour la reconnaissance réciproque d'Israël et du peuple palestinien. Il faut mettre fin au débat stérile dans lequel le monde arabe conteste l'existence d'Israël et les Juifs contestent le droit des Palestiniens à l'indépendance. La véritable question n'est pas de savoir si les Palestiniens ont ce droit, mais comment le réaliser tout en garantissant la sécurité d'Israël ainsi que la stabilité de la région. Des concepts tels que l'autonomie ne suffisent plus car ils ont été davantage utilisés pour esquiver que pour clarifier. Ce qui s'impose maintenant, c'est de trouver un accord politique entre les nationalismes israéliens et palestiniens. La guerre au Liban doit cesser. Israël doit lever le siège de Beyrouth pour faciliter les négociations avec l'OLP qui conduiront à un règlement. La reconnaissance réciproque doit être recherchée sans relâche. Des négociations doivent être entamées en vue de réaliser la coexistence entre les peuples israéliens et palestiniens sur la base de l'autodétermination. Par voie de presse, Sartaoui répond immédiatement à cet appel. La déclaration sans précédent publiée aujourd'hui par trois des plus importantes personnalités du judaïsme mondial a une très grande signification. Cette déclaration contient un programme pour nous sortir de la crise qui sévit au Liban. Elle est une contribution majeure à la recherche d'une paix juste et honorable au Proche-Orient. Sartaoui entame alors une série de navettes diplomatiques pour tenter d'établir un dialogue entre l'OLP et les États-Unis. Il se rend à Rabat, Djeddah, Amman et Tunis. Les Tunisiens vont servir d'intermédiaires auprès des Américains afin de négocier un retrait de Beyrouth. Le 13 juillet, à Paris, Sartaoui présente un document où sont énumérées les décisions prises par l'OLP. Reconnaissance d'Israël et accueil favorable au plan Brejnev qui confirme le droit à l'existence de l'État hébreu. Désormais exilé à Tunis, privé de ses moyens militaires, l'OLP va se tourner résolument vers la voie diplomatique. Les massacres des camps de Sabra et Shatila, qui ont fait plus de 3000 morts, émeuvent l'opinion internationale. En Israël, 400 000 manifestants descendent dans la rue et rejoignent le mouvement La Paix Maintenant. À l'automne 1982, Sartaoui perd deux de ses plus grands soutiens et amis, Naoum Goldman et Pierre Mendès France. Bouleversé, il confie avec angoisse à Marie-Claire Mendès France : « Il n'y a plus personne ». Début avril 1983, à Albufeira au Portugal, doit avoir lieu la réunion de l'Internationale socialiste. Malgré les avertissements de ses amis, dont Bruno Kreisky, Sartaoui décide de s'y rendre. À Paris, Sartaoui prépare son départ pour le Portugal. Matip El Haddad est avec lui dans son bureau. Ils discutent des derniers événements. Sartaoui décroche. El Haddad comprend que Arafat est à l'autre bout de la ligne. C'était le président. Il me prévient que nos services secrets ont découvert que des hommes d'Abu Nidal viennent de quitter Damas. Ils ont pour mission de me tuer. Abu Ammar m'envoie des gardes du corps pour me protéger. Le dernier voyage de Sartaoui est un triste voyage. À l'aéroport de Lisbonne, personne ne l'attend. Ni garde du corps palestinien, ni même la sécurité portugaise. Sartaoui est seul. Il prend un taxi pour Albufeira. Il arrive le 9 avril au soir à l'hôtel Montechoro. Dimanche 10 avril 1983. Issam Sartaoui et son assistant, Anwar Abu Eshed, quittent la salle de réunion, traversent le hall de l'hôtel et s'arrêtent près de la réception. Monsieur Sartaoui était dans le hall de l'hôtel en compagnie de l'ambassadeur de Tanzanie en France et d'un délégué de Chypre lorsque un ou deux hommes sont entrés. En tout cas, un qui a été aperçu était âgé d'une trentaine d'années. Il portait un blouson d'où il a extrait un pistolet. Monsieur Sartaoui a été abattu presque à bout portant et un autre membre de la délégation de l'OLP a été, lui, blessé assez sérieusement aux jambes. Dans la confusion, évidemment, le ou les tueurs se sont rapidement enfuis et ce ne sont pas les quelques policiers placés plus tard sur le bord des routes qui auraient pu les arrêter. Monsieur Sartaoui ne bénéficiait ici d'aucune protection, pas plus d'ailleurs que les autres responsables de l'Internationale socialiste. Tout le monde pouvait entrer ici sans aucune difficulté. Seul un badge était exigé pour entrer dans la salle des débats. Une légèreté, une imprudence évidemment que les autorités portugaises et surtout les responsables organisateurs de l'Internationale regrettent aujourd'hui. Pierre Bell, vous avez écrit un ouvrage. Aujourd'hui, cet ouvrage, il faut aller le chercher, il faut aller le dénicher, mais c'est pas forcément facile. Alors, je peux vous donner une piste. Le livre avait été publié en feuilleton par un magazine libanais qui ne m'avait rien demandé et qui l'a publié intégralement, chapitre par chapitre. Ce que finalement j'ai trouvé très bien parce que je n'ai pas écrit pour gagner de l'argent. C'était pas du tout mon mobile, moi non plus. Mais c'était pour faire parler de cette saga, de cette aventure, de pionniers qui travaillaient tout seuls et qui ont donné leur vie pour faire avancer la cause. Donc je pense que si vous allez chercher dans la collection de cet hebdomadaire libanais, vous pourrez retrouver. Maintenant, à tout hasard, le nom de l'hebdomadaire, vous l'avez peut-être oublié. Je préfère l'avoir oublié parce que ce serait désobligeant vu qu'il m'avait pillé. Mais non, voilà, j'ai trouvé ça très bien sur le principe parce que c'est comme ça que je fonctionne et j'aimerais beaucoup que ce livre soit accessible en numérique gratuitement pour le grand public. Si un jour je trouve la solution, je le ferai volontiers. Maintenant, je n'ai pas d'illusion. Le travail qui a été fait, donc on est en 83. Tout le dialogue avait été fait en amont. Il va aboutir ensuite aux accords d'Oslo, sauf que les accords d'Oslo eux-mêmes, ils aboutiront sur pas grand-chose. Et donc, c'est une genèse. Tout ça, c'est un morceau d'histoire. Mais c'est les chapitres suivants qui restent à écrire et qui sont beaucoup plus passionnants. Et j'espère beaucoup voir de mon vivant la suite du feuilleton, qu'il y aura vraiment des gens qui seront captés les bonnes occasions, qu'il y aura des dirigeants politiques qui sauront avoir la grandeur de vue, la générosité de sa date, parce que quand même, il était critiqué, mais il a payé sa vie. J'espère un jour qu'on verra une réconciliation entre Israéliens et Palestiniens, parce que on n'arrivera nulle part sans ça. Pierre Bell, merci d'être venu au micro d'Histoire Vivante. Demain, la suite et la fin de cette évocation. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rocha, Valérie Danton, Daniel Zacker, Frédéric Pfeiffer, Thierry Châtel et les voix de Mathias Urban et Stéphane Studer. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez la première, il est 14h.